Le premier ministre coréen Park Bong-joo a inspecté le complexe chimique de la jeunesse de Namo. En faisant le tour de divers endroits du complexe, il s'est enquis en détail de l'état de la production de l'engrais pour la saison d'épandage de cette année avant de convoquer une réunion consultative. Par ailleurs, il a visité l'atelier d'acier et l'atelier de tubes en acier sans soudure du complexe d'acérage Tolima et les fours tournants de la fonderie de Bosan et pris des mesures pour renforcer l'indépendance et la nationalisation dans l'industrie métallurgique et augmenter la production de matériaux en fer et en acier.